allons faire aujourd'hui un petit saut dans un futur peut-être pas si lointain que ça, celui des voitures autonomes. Comment ça roule une voiture autonome et est-ce qu'elles seront bientôt sur nos routes? Alors, pour démystifier un peu tout ça, je suis en compagnie de Philippe Giguère. Il est professeur titulaire au département d'informatique et de génie logiciel à l'Université Laval et membre de l'Institut Intelligence et Données. Bonjour, monsieur Giguère. Bonjour, Valérie. Alors, avant de voir comment ça marche une voiture autonome, j'aimerais que vous disiez quelques mots sur la pertinence de développer des telles voitures autonomes. Est-ce que c'est juste un gros gadget technologique ou est-ce que ça va vraiment répondre à nos besoins? La voiture autonome va avoir beaucoup d'impact au niveau de la société. On peut penser premièrement au bilan de la sécurité routière au Québec, il y a environ 300 morts par année, 1300 blessés graves. Alors, avec des systèmes de conduite autonome, on peut espérer que la quantité d'accidents graves va beaucoup diminuer. Aussi, pour les personnes qui sont en perte d'autonomie ou qui ont des handicaps, ça peut être une façon de se déplacer dans la ville. Une personne, par exemple, qui est non-voyante va pouvoir maintenant choisir elle-même où se déplacer avec un système comme ça. D'un point de vue aussi économique et d'environnement, on va se diriger vers un modèle d'autopartage où une personne, au lieu d'acheter une voiture, va plutôt acheter un abonnement vers un service de Uber avancé là, qui ferait l'autopartage de voitures autonomes. Et ce qui permet donc des économies importantes pour chaque personne. Une voiture, ça coûte environ 9 000 $ par année. Ou si on se rappelle, une voiture, on l'utilise peut-être juste 5 % du temps. La plupart du temps, elle reste stationnée. D'un point de vue environnement, étant donné que maintenant on va être capable de mettre en commun ces ressources-là, donc on va construire moins de voitures. Aussi, on n'y pense pas beaucoup, mais en moyenne, pour chaque voiture, on doit construire 8 places de stationnement. Une à la maison, une au travail, une en ville, une au supermarché, etc. Donc, c'est beaucoup, beaucoup d'espace qui est perdu, qui pourrait être utilisé, par exemple, pour des parcs en ville. Mais ça veut dire qu'on revoit le mode de fonctionnement de notre, qu'on revoit l'usage qu'on fait de l'automobile, qu'on n'a plus une automobile chacun par personne, une automobile privée, mais qu'on bascule vers un mode partagé. Est-ce que c'est un modèle vraiment que les gens sont prêts à apprendre? Je pense que les gens, lorsqu'ils vont réaliser les économies qu'ils peuvent faire et aussi les avantages de, bon, plus besoin d'aller au garage, plus de maintenance, je pense que c'est un modèle que les gens vont adopter. Surtout, on voit chez les jeunes, les taux de permis de conduire baissent de plus en plus. La nouvelle génération, elle est beaucoup plus branchée sur le cellulaire que branchée voiture. Et je pense que ce changement-là qui se fait lentement va venir justement faciliter l'adoption d'un modèle collectif de voiture. Mais d'un autre côté, ça veut dire peut-être que les constructeurs automobiles vont vendre moins de véhicules si on partage nos véhicules. Est-ce qu'ils sont prêts à ça, eux aussi? Les gens qui faisaient des carrosses pour les chevaux vous diront la même chose. L'économie change et les compagnies doivent s'adapter. D'ailleurs, la plupart des grands constructeurs regardent dans le rétroviseur, si vous voulez, ce qui se passe. Là. Ils veulent vraiment pas se faire prendre de cours, mais c'est effectivement une grosse question. Est-ce que les voitures, les constructeurs, les grands constructeurs vont être capables de faire la transition? On va leur souhaiter, car il y a quand même beaucoup d'emplois reliés à ça, mais il en demeure que c'est vrai que si on met en commun nos ressources de voitures, ça peut très bien justement que non seulement la quantité de voitures qu'on vend va diminuer, mais il ne faut pas se le cacher, les voitures qui ont les meilleures marges de profit, c'est les voitures luxueuses ou les véhicules utilitaires qui ne vont pas être nécessairement achetés pour ces flottes de véhicules-là. On va plutôt privilégier des véhicules, disons, de catégorie moindre en termes de luxe. En tout cas, c'est quand même des changements qui sont éventuellement à venir. Alors, on va voir maintenant comment ça marche, cette voiture autonome. Si elle est autonome, moi, je présume de façon un peu simpliste qu'elle est capable de se situer dans son environnement, de voir des obstacles, de les éviter, bon, en fait, d'analyser la situation et de prendre une décision pour adapter sa conduite. Donc ça, il me semble que ça fait beaucoup de problèmes à régler. Donc, comment ça marche? Effectivement, il y a beaucoup de problèmes à régler, mais vous l'avez bien indiqué, dans les principales composantes de base d'un véhicule autonome, on retrouve la localisation. Donc, c'est l'idée de situer un véhicule à quelques centimètres près dans son environnement. Ces localisations-là sont basées sur l'utilisation de cartes très détaillées de l'environnement. Par exemple, Google, lorsqu'ils ont développé leur voiture il y a environ une dizaine d'années, ils devaient cartographier chaque pouce carré de l'asphalte pour retrouver la couleur ou si vous voulez, l'intensité. Ah oui. Et ils utilisaient l'information avec un lidar, là, qui est un laser, là, qui utilisait cette information-là pour être capable de se localiser par rapport à l'asphalte et aux différents marqueurs. Parce que, faut pas se le cacher, un GPS, bien que dans votre voiture, vous voyez que le véhicule est situé sur une route, c'est pas vrai. Le GPS, lui, sa précision est de l'ordre de 5 à peut-être 100 mètres, dépendant des conditions d'opération. On est Et peut-être ce dans le qui... bâtiment d'à côté, finalement. Exactement. Et ce qu'ils vont faire, l'affichage, qu'ils viennent rabattre la position du véhicule sur la route la plus proche. Mais faut pas se, on peut pas se fier sur le GPS pour conduire un véhicule. Donc, localisation, élément clé. Aussi, vous l'avez mentionné, la perception. Donc, notre système doit, le véhicule doit observer autour de lui pour trouver les différents obstacles, soit les obstacles statiques, ceux qui ne bougent pas, et les obstacles dynamiques comme les véhicules, les cyclistes, les piétons. Et par la suite, faire un suivi des différentes trajectoires qui sont empruntées par ces différents obstacles mobiles. Juste pour vous donner une idée, une voiture autonome peut facilement faire le suivi de 50 obstacles en même temps, ce qui est, pour, d'un point de vue humain, on fait jamais ça, on va suivre peut-être un ou deux, un cycliste, un piéton, puis une voiture à la limite, puis on se fie que le trafic va dans la même direction. Mais le véhicule autonome est vraiment capable individuellement de faire le suivi d'une cinquantaine de Et surtout, ces... en temps réel, surtout. Oui, en temps réel, ça donne des situations cocasses où, par exemple, il y avait un véhicule Google qui s'était arrêté à lumière rouge, qui avait aperçu qu'un cycliste allait brûler un feu rouge. Donc, le véhicule, lorsque le feu tourne au vert, la voiture ne s'est pas avancée parce qu'elle avait prévu qu'un cycliste allait passer à l'avant, alors que vous voyez le reste des véhicules s'avancer et après se freiner brutalement lorsque le cycliste brûle son feu rouge. Faut pas se le cacher. Les cylistes ont tendance peut-être parfois à contourner un petit peu les règles de la circulation routière. Ben justement, mais ça c'est une difficulté parce que là il y a une question de comportement humain aussi, donc c'est pas évident. Est-ce que là il est prévu dans toute cette mécanique, cette logique informatique, je ne sais pas, d'anticiper le comportement humain d'un piéton, d'un cycliste ou d'un chat qui traverse le comportement d'un chat qui traverse la route? Les gens s'intéressent justement beaucoup à ces modèles-là de déplacement. Il y a le côté physique, un véhicule, ça, l'inertie, ça peut aller quand même. Ça va pas changer nécessairement rapidement de direction, mais un cycliste, un piéton, les déplacements sont difficiles à suivre. D'autant plus si on parle de manque de respect des règles. Mais aussi, on arrive à des situations où si on fait des véhicules autonomes qui sont beaucoup trop polis et qui sont beaucoup trop conservateurs dans leur mouvement, eh bien, ces véhicules-là, souvent, se retrouvent à être incapables d'embarquer sur une autoroute parce que faut un petit peu, disons, forcer la main des autres conducteurs. Donc, les gens commencent à travailler sur des algorithmes qui sont un peu plus agressifs, disons. Sinon, ben, c'est ça, la pauvre voiture autonome, elle se fait manger tout rond sur l'autoroute puis Ouais, des fois, personne ne effectivement, blesse. il faut prendre sa place un petit peu là pour s'incruster dans la circulation, et la voiture autonome trop conservatrice, il pourrait avoir du mal. Je me pose aussi des questions. On en parle parfois des difficultés quand il y a de la neige, par exemple. Donc, ça veut dire, par exemple, le traçage au sol ne va plus être visible, ou même des fois, s'il y a du blizzard, de la neige qui se colle au panneau, on peut ne plus la voir non plus. Je ne sais pas si les voitures autonomes vont être capables de décrypter quand même leur environnement dans ces conditions. Si on veut les utiliser au Canada, on n'aura pas le choix. Il va falloir qu'elles soient capables de traiter ces conditions-là. C'est sûr qu'en ce moment, on regarde dans les technologies, les gens développent et déploient surtout dans les conditions avantageuses pour les technologies qu'on a en ce moment. Par exemple, ils vont déployer en Californie, ils vont déployer en Arizona, qui sont des endroits où il n'y a pas nécessairement beaucoup de pluie et encore moins de la neige. Mais ça reste quand même que beaucoup de questions scientifiques intéressantes à comment traiter justement quand la neige vient brouiller vos capteurs, vient salir vos capteurs. C'est d'ailleurs un des aspects de recherche qu'on fait nous à l'Université Laval via le NORLAB, qui est un laboratoire avec mon collègue François Pomerleau, sur lequel justement on s'intéresse à cette problématique-là de comment opérer des robots autonomes dans des conditions de glisse difficile, de perception difficile. Je mentionnais tout à l'heure que les systèmes autonomes, les véhicules autonomes se basent sur des cartes détaillées. Donc, des cartes souvent 3D de l'environnement, mais si on a de la neige qui s'accumule, la carte 3D change. Donc, ça veut dire d'inculquer à notre système un concept, si vous voulez, de sens commun, ben, qu'un banc de neige, ben, ça monte. Donc, on se fie pas sur un banc de neige pour se localiser, mais on va plutôt se fier, par exemple, au toit des maisons. On va pas se fier au feuillage des arbres. Les feuillages disparaissent, par exemple, aussi. Donc, c'est le genre de truc qu'on veut inculquer, ce concept-là de changement d'environnement, donc, à tous nos véhicules autonomes. Oui, puis vous le disiez aussi, les caméras, on le voit bien avec les caméras de recul, par exemple. Ben, parfois, il y a de la buée ou il y a de la neige ou il y a de la glace collée dessus, puis on est bien obligé de tourner la tête pour regarder réellement ce qu'il y a derrière nous parce que la caméra de recul, elle est aveugle. Oui, Donc, est-ce qu'on peut avoir ce genre de problème-là? on va voir exactement le même de problème. Par contre, l'avantage qu'on a avec les systèmes robotisés, c'est qu'on peut augmenter la quantité de modalités de captation. Chez les humains, on n'a pas des super-humains, on n'a pas de vision à rayon X. Donc, ce qu'on va faire pour les véhicules autonomes, c'est qu'on va les équiper d'une panoplie de capteurs. Par exemple, l'IDAR qui fonctionne avec une émission de laser, des caméras, des sonars, des radars, des centrales inertielles qui sont un peu comme l'oreille interne du cerveau qui nous permettent de trouver les orientations, l'odométrie des roues. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va combiner l'information, la fusion de capteurs qu'on appelle, on va combiner l'information de tous ces différents capteurs-là. Et c'est très rare qu'une condition adverse va affecter toutes les modalités en même temps. En général, ça va en affecter une plus qu'une autre. Donc, c'est ce qu'on tente de faire, de pallier, disons, peut-être un manque d'intelligence du véhicule par une plus grande capacité de captation qui dépasse d'ailleurs. Une redondance des systèmes pour être sûr qu'il y en a un qui fonctionne. Et là, Exactement. après, bon, l'état de la route va être plus ou moins mouillé, plus ou moins glissant. Donc, ça veut dire que la voiture doit adapter aussi son comportement. Donc, là, ça aussi, il faut que ça rentre quelque part dans la programmation de la voiture, que en fonction des conditions analysées, la distance de freinage va pas être la même. Donc, tout ça, c'est des choses qu'il faut que la voiture doit devoir sentir et adapter en temps réel. Absolument. Donc, quand je parlais des composantes principales, la composante de planification des déplacements, donc c'est-à-dire à partir de l'information de localisation, ma carte, la disposition des différents obstacles dynamiques, des obstacles qui se déplacent, et des conditions de météo. Je dois donc calculer des trajectoires qui vont être sécuritaires et pour les passagers, et aussi pour les différents véhicules autour, les différents, disons, acteurs en jeu. Vous avez évoqué un petit peu plus tôt la Google Car. Maintenant, on entend davantage parler de la voiture de Tesla. Donc, quelle est l'approche Tesla, par rapport à ce que vous venez de nous décrire? Premièrement, Tesla, eux, ont fait un choix, disons, assez fort. Ils ont dit pas de laser, pas de lidar sur leur véhicule. Ils vont se baser principalement sur les caméras. Et ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont équipé leur véhicule, quand ils ont commencé à les fabriquer il y a quelques années, ils ont équipé d'avance en se disant, un jour, on va développer le logiciel pour être capable de faire de la conduite autonome. Aussi, les voitures Tesla sont connectées au réseau. Donc, lorsque la voiture rentre à la maison le soir, elle peut communiquer avec la maison mère. Et ce qu'ils font, c'est qu'ils utilisent toute leur voiture comme une infrastructure de collecte de données. À la base, ils utilisent de l'intelligence artificielle, le deep learning, pour faire la détection des obstacles, faire la planification, ainsi de suite. Et c'est le deep learning consomme une quantité phénoménale de données pour s'entraîner. Mais du moment que vous avez 1 million de voitures qui circulent en Amérique du Nord et qui ramassent des données à profusion, ce problème-là devient de moins en moins important. Notez que chez Tesla, environ 500 employés sont dédiés juste à ce qu'on appelle l'étiquetage des données, c'est-à-dire dans une image, venir cliquer, indiquer la présence des piétons, des voitures, ainsi de suite, pour permettre à ces systèmes-là de s'améliorer au fil du temps. Repérer son environnement. Ouais. Oui, et non seulement ça, Tesla, dès qu'ils ont des modules qui sont à l'essai, ils vont les uploader sur toutes les voitures. Ils vont les faire tester, ils vont les faire rouler en silence. Ils vont vérifier, par exemple, la différence entre l'autopilote et l'humain. Et lorsqu'ils voient une discordance entre les deux, vont commencer à enregistrer des données et envoyer ça à la maison mère pour vérifier les algorithmes. Donc mais sinon, au niveau des technologies, pour analyser la situation, l'environnement, à part, donc il n'y a pas de lidar, mais donc avec les caméras, ils vont réussir à voir tout l'environnement. C'est leur hypothèse. En disant, ben, les humains, simplement qu'une perdue, on est capable de faire la même chose. C'est une hypothèse. Ils ont mis, si vous voulez, tout sur le rouge et on tourne la roulette. C'est leur choix. Il y a des avantages inhérents aux caméras. C'est des capteurs qui ne brisent pas, qui ne coûtent pas cher. Comparativement à un lidar ou, bien qu'on ait des entreprises à Québec, par exemple, Edartech, qui travaillent sur le lidar 3D, c'est des technologies qui sont très récentes. Mais Tesla, eux, se cantonnent strictement sur la caméra pour la perception de l'environnement. Est-ce que ça induit pas non plus une certaine vulnérabilité finalement que la voiture autonome repose sur un système un peu centralisé de collecte et d'analyse des données? Si jamais ce système-là tombe en panne, est-ce qu'on a un problème de mettre en panne tout notre réseau de voitures électriques, de voitures autonomes? La partie, disons, collecte de données, ça ne fait pas partie de la boucle en temps réel pour la conduite autonome. C'est vraiment pour le développement à long terme. Par contre, c'est sûr qu'il y a des problèmes de sécurité informatique. Si jamais des hackers réussissaient à pouvoir télécharger du code sur les Tesla, puis leur dire, ben, à midi tapant, le 5 juin, on braque les volants à droite et tout le monde, on fait un accident, c'est sûr qu'il y aurait un problème. Ça, c'est vraiment au niveau de la sécurité informatique qu'il faut régler, qu'il faut, disons, empêcher cette situation. Et là, on parle de Tesla, mais à part Tesla, les autres constructeurs automobiles, est-ce qu'ils sont dans la course? Est-ce qu'ils sentent qu'il y a un train, entre guillemets, à ne pas rater pour d'un point de vue développement de l'entreprise, d'un point de vue stratégie commerciale? Est-ce qu'il y a quelque chose à ne pas rater qui fait qu'eux aussi sont en train de développer leur modèle de voiture autonome? Tout le monde, d'une façon ou d'une autre, ne veut pas rater le train. Effectivement, le train n'a pas quitté la gare encore, mais les gens le sentent. Ils le sentent le marché va changer tant au niveau des besoins des consommateurs, donc prévoir les futurs modèles à construire, mais aussi au niveau de la technologie elle-même des voitures autonomes. Par exemple, Toyota a fondé le Toyota Research Institute, qui s'interroge beaucoup sur des problèmes d'autonomie, sur la manipulation des objets, mais aussi la conduite autonome. Eux, ils ont cependant une approche relativement ouverte. Ils disent que lorsque leur solution de véhicule autonome va être construite, ils vont la proposer gratuitement à n'importe quel fabricant. On voit aussi beaucoup de partenariats entre des entreprises, des startups qui faisaient de la conduite autonome et des entreprises, des manufacturiers de voitures, comme par exemple Cruise Automation qui s'est associé avec GM et Honda. Volkswagen travaille en partie avec Argo AI pour la division des véhicules industriels. Et tout récemment, je trouve que ça vient un petit peu brouiller les cartes. On a vu Amazon qui a acheté un startup bien en vue, Zoox, qui était fondé par un ancien de Waymo, qui est la compagnie qui appartient à Google. Donc, qu'est-ce qu'Amazon vient faire dans le marché des voitures autonomes? L'avenir va nous le dire, mais c'est sûr qu'Amazon, ils ont leur doigt dans beaucoup de choses en ce moment. Oui, c'est bien vrai. Et finalement, d'après vous, Monsieur Giguère, quand est-ce qu'on va voir les. En tout cas, est-ce que les voitures autonomes vont devenir réalité? Pas qu'on va prendre le volant de la voiture autonome, parce que manifestement, il n'y aura pas de volant, mais quand est-ce qu'on va embarquer dans ces véhicules autonomes? C'est vraiment la question qui tue. Tout le monde se pose cette fameuse question-là, quand est-ce qu'on va être capable d'avoir des voitures autonomes? Tesla, d'une certaine façon, nous le promet incessamment, mais il faut dire qu'ils font quand même un certain abus de langage. Ils vendent souvent leurs solutions comme étant des full autopilot pour vous mettre avec un petit astérisque ensuite pour vous dire que dans le fond, c'est pas vraiment un autopilote complet. Il faut rester vigilant. On voit aussi, ce que j'ai bien aimé, c'était un chercheur qui s'appelle Ed Olson, qui a fondé sa propre compagnie qui s'appelle May Mobility. Lui, ce qu'il a fait, c'est qu'il s'est basé un peu sur les prédictions de type loi de Moore, donc des croissances exponentielles de technologies. Il s'est dit, bon, on va prendre une métrique qui est le nombre de milles par désengagement d'autopilote. Donc ça veut dire que ma voiture roule, disons, pendant 10 000 milles, et là, il se produit quelque chose que l'autopilote ne peut pas régler comme problème, et là, va, dans le fond, désengager l'autopilote pour dire au passager, fais quelque chose. Donc, on va prendre cette métrique-là. En ce moment, les meilleurs véhicules autonomes font à peu près 10 000 milles entre les désengagements d'autopilote. Ce qui est nettement inférieur aux performances humaines. On dit que les accidents pour les voitures pilotées par les humains sont environ 100 millions de milles, disons. Si on prend, pour passer donc de 10 000 milles à 100 millions de milles, en faisant l'hypothèse qu'on double la quantité de milles conduits sans désengagement aux 16 mois, on arrive avec une prédiction qu'on va arriver dans 16 ans, donc en 2027, 2037. Ça veut dire que c'est quelque chose qui va se faire progressivement. Alors, on va peut-être avoir ces voitures-là arriver un petit peu sur le marché, sur les routes, mais le temps qu'elles soient complètement autonomes. Qu'on mette plus les mains du tout sur le volant, ça va prendre quand même plusieurs années, je pense. Effectivement, c'est une approche graduelle. On va commencer, on les voit d'ailleurs sur les autoroutes, après ça dans la navigation en ville et ainsi de suite. C'est sûr que le camionnage aussi va beaucoup être influencé à ce niveau-là. Si on veut plus de détails, donc dans le fonctionnement des voitures autonomes, vous nous en avez dressé un petit peu, vous avez fait un survol un peu rapide, mais vous donnez un webinaire prochainement? Oui, ça va être un webinaire qui est donné pour l'Institut Intelligence et Données le 26 mars, donc de midi à 13 h. C'est gratuit. C'est juste de vous inscrire en ligne. Et dans cette présentation-là, je vais donner plus de détails justement sur les différents capteurs qu'on utilise, les algorithmes sous-jacents, tant au niveau de la robotique mobile que de l'intelligence artificielle. Et ça va vous donner donc un meilleur aperçu, mais plus au niveau détail, plus fin au Technique. niveau du détail, c'est ça. C'est ça. Donc, ça, c'était comme une mise en bouche finalement pour rentrer plus dans le détail donc le 26 mars. Très bien. Ben, merci beaucoup, Philippe Giguère, de nous avoir permis d'y voir un peu plus clair sur ces voitures autonomes. Et si on veut en savoir plus, ben, on prend note de ce rendez-vous pour votre webinaire le 26 mars prochain. C'est gratuit. J'imagine qu'il y a juste à s'inscrire. On va sur le site de l'Institut Intelligence et Données, on s'inscrit et on aura un lien Zoom probablement pour suivre le webinaire. Exactement. Très bien. Merci beaucoup, Monsieur Giguère. Merci beaucoup, Valérie. Alors, nous étions en compagnie de Philippe Giguère. Il est professeur titulaire au département d'informatique et de génie logiciel de l'Université Laval.